quelques heures à tuer, du temps à jeter pour de bon. Mais au bout du voyage, une plage de sable blanc, un ciel sans orage, une île sous le vent. Et ce garçon est...